Septième cahier. Campagne de Russie, je passe lieutenant au petit état-major impérial, la retraite de Moscou. Le 26 juin 1812, nous passâmes le Niémen. Le prince Murat formait l'avant-garde avec sa cavalerie. Le maréchal Davoust avec 60 000 hommes marchait en colonne, ainsi que toute la garde et son artillerie sur la grande route de Vilna. On ne peut se faire une idée de voir de pareilles colonnes se mouvoir dans des plaines arides, sans autre habitation que de mauvais villages, dévastés par les Russes. Le prince Murat les atteignit au pont de Kouvno. Ils furent obligés de se retirer sur Vilna. Le temps, qui avait été très beau jusque-là, changea tout à coup. Le 29 juin, un violent orage nous prit sur les 3 heures, avant d'arriver à un village que j'eus toutes les peines du monde à pouvoir atteindre. Arrivés à l'abri dans ce village, nous ne pûmes dételer nos chevaux. Il fallut les débrider, leur faucher de l'herbe et faire allumer des feux. La tempête était si forte en grêle et en neige que nous eûmes du mal à contenir nos chevaux. Il fallut les attacher après les roues. J'étais mort de froid. Ne pouvant plus tenir, j'ouvre un de mes fourgons et je m'y cachai. Le matin, quel spectacle déchirant! Dans le camp de cavalerie, près de nous, la terre était couverte de chevaux morts de froid. Plus de 10 000 succombèrent dans cette nuit d'horreur. En sortant transi de mon fourgon, je vois 3 de mes chevaux morts. Je fais de suite distribuer ceux qui me restaient après mes 4 fourgons. Ces malheureux tremblaient si fort qu'ils brisaient tout sitôt attelés. Ils se jetaient dans leur collier à corps perdu. Ils étaient fous et faisaient des sauts de rage. Si j'avais tardé d'une heure, je les perdais tous. Je puis dire qu'il fallut employer tout notre courage pour les dompter. Arrivés sur la route, nous trouvâmes des soldats morts qui n'avaient pas pu soutenir ce monstrueux orage. Ça démoralisa une grande quantité de nos hommes. Heureusement, nos marches forcées firent partir de Vilna l'empereur de Russie, qui y avait établi son quartier général. Dans cette grande ville, on put mettre de l'ordre dans l'armée. L'empereur donna des ordres dès son arrivée, le 29 juin, pour arrêter les traînards de toutes armes et les parquer dans un grand enclos en dehors de la ville. Ils y étaient bien enfermés, et on leur donnait des rations. La gendarmerie était sur tous les points pour les ramasser. On en forma 3 bataillons de 700 à 800 hommes. Ils avaient tous conservé leurs armes. Après un peu de repos, l'armée se porta en avant dans des forêts immenses qu'il fallut fouiller, par crainte de quelques embûches de l'ennemi. Une armée n'y peut marcher qu'à pas compter, pour n'être pas coupée. Avant son départ, l'empereur fit partir les chasseurs de sa garde, et nous restâmes près de lui. Le 13 juillet, il donna l'ordre de lui présenter 22 sous-officiers pour passer le tenant dans la ligne. Comme les chasseurs étaient partis, toutes les promotions tombèrent sur nous. Il fallait se trouver sur la place à 2 heures pour être présenté à l'empereur. À midi, je me trouvais sur la place revenant avec mon paquet de lettres sous le bras pour les distribuer. Le major Belcour me prit par le bras et me serrant fortement, « Mon brave, vous passerez aujourd'hui lieutenant dans la ligne. Je vous remercie, je ne veux pas retourner dans la ligne. Je vous dis, moi, que vous porterez aujourd'hui des épaulettes de lieutenant. Je vous donne ma parole que si l'empereur vous fait passer dans la ligne, je vous fais revenir dans la garde. Ainsi, pas de réplique, à 2 heures sur la place, sans manquer. Eh bien, je m'y trouverai. J'y serai avant vous. Ça suffit, mon capitaine. » À 2 heures, l'empereur arrive nous passer en revue. Nous étions tous les 22 sur un rang. Commençant par la droite, regardant ses beaux sous-officiers et les toisant de la tête aux pieds, il dit au général d'Orsen, « Ça fera de beaux officiers dans les régiments. » Arrivé près de moi, il me regarde comme le plus petit. Le major lui dit, « C'est notre instructeur. Il ne veut pas passer dans la ligne. »« Comment ? Tu ne veux pas passer dans la ligne ?»« Non, sire, je désire rester dans votre garde. » « Eh bien, je te nomme à mon petit état-major. » S'adressant à son chef d'état-major, le comte Montyon, il dit, « Tu prendras ce petit grognard comme adjoint au petit quartier général. » Comme je me trouvais heureux de rester près de l'empereur, je ne me doutais pas que je quittais le paradis pour tomber dans l'enfer. Le temps me l'a bien appris. Le brave général Montyon vint vers moi. « Voilà mon adresse, demain à 8 heures chez moi pour prendre mes ordres. » Le même soir, mes camarades fusillèrent mon sac. Le lendemain, à l'heure dite, j'arrive près du général, qui me reçut avec la figure gracieuse d'un homme qui aime les vieux soldats. « Eh bien, me dit-il, vous ferez le service près de l'empereur. Si ça ne vous faisait pas de peine de couper vos longues moustaches vous me ferez plaisir. L'empereur n'aime pas la moustache à son état-major. Eh bien, faites-en le sacrifice. Si je vous envoyais en mission, est-ce que vous auriez peur d'un cosaque ? Non, général. Il me faut deux de vos camarades qui sachent commander pour conduire chacun un bataillon d'isolés. Vous les connaissez, faites-les venir près de moi. Pour vous, je vous ai vu commander. Vous connaissez votre affaire. J'ai trois bataillons de traînards à renvoyer à leur corps d'armée. C'est vous qui demain les commanderez devant l'empereur. Donc vous viendrez avec vos deux camarades, et nous partirons de suite pour organiser les trois bataillons. » Arrivé dans cet enclos, le général appela les soldats du troisième corps, les mit de côté, et ainsi de suite. L'opération faite, nous rentrâmes pour terminer nos comptes avec le quartier maître de la garde, pour recevoir nos certificats et notre masse. Heureusement pour moi, les soldats du train m'avaient pourvu d'un beau cheval avec la selle et le porte-manteau. Je me trouvais en mesure de ce côté-là, mais je n'avais pas de chapeau, pas de sabre. Je n'avais que mon bonnet de police, et on m'avait retiré mes galons. Je me trouvais comme un sous-officier dégradé. Cela me fit de la peine. Je fus touché ce qui m'était dû chez le quartier-maître, ainsi que le certificat de mes services, et faire mes adieux à mes bons chefs. Ils me dirent de choisir un cheval dans mes attelages. « Je vous remercie, je suis bien monté. » J'avais mis de côté un joli cheval tout scellé et bridé qui ne fait pas partie des équipages. Je vous laisse tout en bon état. Adieu, mon brave, nous nous verrons souvent. Si j'avais un chapeau, je serais content. Eh bien, passez ce soir, vous en trouverez un chez le quartier-maître. Je m'en charge, dit l'adjudant-major. Je suis sauvé. Et si je puis vous trouver un sabre, je vais m'en occuper de suite. On vous doit bien cela. Je l'ai quitté confus. Je vais trouver le comte Montyon pour lui faire part que j'étais libéré. Je vous ferai payer votre entrée en campagne comme lieutenant pour vous monter. Dépêchez-vous de finir vos affaires. Nous ne tarderons pas à partir. Demain, mon général, tous mes comptes seront terminés. Le soir, je fus chez le quartier-maître. Je trouvai un chapeau, un vieux sabre, et je me présente avec le grand sabre au côté et le chapeau à cornes. « Ah, c'est bien, dit-il, je vous trouverai des épaulettes. Nous partons le 16 juillet. Venez deux fois par jour prendre mes ordres. » Le 15 au matin, je me présente chez le comte Montyon qui dit « Nous partons demain. Vous aurez 700 hommes à conduire au troisième corps, à midi au château devant l'empereur. Je viens de faire prévenir vos deux camarades de se trouver à 11 heures pour prendre le commandement de leur bataillon. Il faut aller de suite pour les passer en revue. Les contrôles sont faits par régiment. Mon aide de camp est parti pour faire l'appel. Nous trouverons tout prêt. » Nous arrivâmes dans l'enclos. Tous étaient sous les armes, formant trois bataillons. Il nous remit le commandement et nous fit reconnaître pour leur chef. Il nous donna nos feuilles de route et le contrôle par régiment. À 6 heures, le 15, j'étais dans l'enclos pour faire l'appel par régiment. Je trouvai d'abord 133 Espagnols de Joseph Napoléon, et ainsi de suite. Mon appel fait, je fais prendre les armes. On ne m'avait pas adjoint un sergent, un tambour et un petit musicien, voilà quel était tout mon état-major pour maintenir 700 hommes. Je fais porter les armes et former les faisceaux. À 9 heures, la soupe, et à 10 heures, tout le monde est prêt. Mes deux camarades mirent le même zèle. À 11 heures, le comte Montyon arrive, passe rapidement, et nous partons. Heureusement, j'avais un tambour, sans cela je marchais à la muette. Mon petit musicien était à la droite du bataillon avec sa petite épée à la main. Nous arrivons au palais. Je fais mettre mon bataillon sur la droite en bataille, et en première ligne, les deux autres derrière moi. Je plaçai des guides sur la ligne. Comme ils ne savaient rien, il me fallait les prendre par le bras, et l'empereur me voyait de son balcon. Je fais porter les armes et commande. « Sur le centre, alignement, guide à vos places. » Je rectifie l'alignement, et vais me placer à la droite de mon bataillon. Le comte Montyon va trouver l'empereur. Ils descendent, et l'on me fit signe d'approcher. L'empereur me demande. « Combien te manque-t-il de cartouches ?»« 373 paquets, sire. Fais un bon pour tes cartouches et un bon pour deux rations de pain et de viande. Fais porter les armes par le flanc droit et conduis-les sur la place. Je vais les faire garder. Et de suite au pain, à la viande et aux cartouches. » Toutes les issues de la place étaient gardées. Mes faisceaux formés. Je prends mes hommes de corvée, je vais aux cartouches et les distribue. Puis je vais au pain et à la viande. À 7 heures, toutes les distributions étaient terminées. J'étais mort de besoin. J'allais me restaurer et préparer mon beau cheval. Je choisis un soldat à cheval démonté pour me servir de domestique. Je reçois l'ordre de partir à 8 heures. Au sortir de Vilna, nous nous trouvons engouffrés dans des forêts. Je quitte la tête de mon bataillon pour me porter derrière et faire suivre tous ces traînards, en plaçant mon petit musicien à la droite pour marquer le pas. La nuit venue, je vois de mes déserteurs se glisser dans le fourré sans pouvoir les faire rentrer, vu l'obscurité. Il fallait mordre son frein. Que faire contre de pareils soldats? Je me disais, ils vont tous déserter. Ils marchèrent pendant 2 heures. La tête de mon bataillon trouvant à gauche de la route un rond-point où il n'y avait pas de bois, ils s'y établissent de leur chef. La queue arrivait, que les feux étaient déjà allumés. Jugez de ma surprise. Que faites-vous là? Pourquoi ne marchez-vous pas? C'est assez marché, nous avons besoin de repos et de manger. Les feux s'établissent et les marmites aussi. À minuit, voilà l'empereur qui passe avec son escorte. Voyant mon bivouac bien éclairé, il fait arrêter et me fait venir près de sa portière. Que fais-tu là? Mes majestés, ce n'est pas moi qui commande, c'est eux. Je faisais l'arrière-garde et j'ai trouvé la tête du bataillon établi, les feux allumés. J'ai déjà beaucoup de déserteurs qui sont retournés à Vilna avec leurs 2 rations. Que faire seul avec 700 traînards? Fais comme tu pourras, je vais donner des ordres pour les arrêter. Il part, et moi je reste pour passer la nuit avec ces soldats indociles, regrettant mes galons de sergent. Je n'étais pas au bout de mes peines. Le matin, je fais battre l'assemblée, et au jour le rappel, et de suite en route, en leur signifiant que l'empereur allait faire arrêter les déserteurs. Je marche jusqu'à midi, et sortant du bois, je trouve un parc de vaches qui paissaient dans un pré. Voilà mes soldats qui prennent leurs gamelles et vont traire les vaches pour les remplir. Il fallut les attendre. Le soir, ils campaient toujours avant la nuit. Et toutes les fois qu'ils trouvaient des vaches, il fallait s'arrêter. Comme c'était amusant pour moi. Enfin, j'arrivais dans les bois très éloignés des villes. Des parties considérables se trouvaient détruites par les flammes. Une forêt incendiée longeait ma droite. Et je m'aperçois qu'une partie de mes troupes prend à droite dans ce bois brûlé. Je pars au galop pour les faire rentrer sur la route. Quelle est ma surprise de voir ces soldats faire volte-face et tirer sur moi. Je suis contraint de lâcher prise. C'était un complot des soldats de Joseph Napoléon, tous espagnols. Ils étaient 133. Pas un seul Français ne s'était mêlé avec ces brigands. Arrivé près de mon détachement, je leur fais former le cercle et leur dis « Je suis forcé de faire mon rapport. Soyez Français et suivez-moi. Je ne ferai plus l'arrière-garde. Cela vous regarde. Par le flanc droit. » Je sors de cette maudite forêt le même soir, et j'arrive près d'un village, où était une station de cavalerie, avec un colonel qui gardait l'embranchement pour diriger les troupes de passage. Arrivé près de lui, je fais mon rapport. Il fait camper mon bataillon, et sur les indications que je lui donne, il fait venir des Juifs et son interprète. Il juge par la distance de mes déserteurs du village, où ils ont pu tomber. Il fait partir 50 chasseurs à cheval et les Juifs pour les conduire. À moitié chemin, ils rencontrèrent les paysans opprimés qui venaient chercher du secours. Ils arrivèrent à minuit et entourèrent le village, où ils surprirent les Espagnols endormis. Ils les saisirent, les désarmèrent, mirent leurs fusils dans une charrette. Les hommes furent attachés dans 2 petites charrettes bien escortées. Le matin, à 8 heures, les 133 Espagnols arrivaient et étaient déliés de leurs entraves. Le colonel les fit mettre sur un rang et leur dit « Vous vous êtes mal conduits, je vais vous former par ordinaire. » Y a-t-il parmi vous des sergents ou des caporaux pour former vos ordinaires? Voilà 2 sergents qui font voir leurs galons cachés par leurs capotes. Mettez-vous là, y a-t-il des caporaux? Et voilà 3 qui se font connaître. Mettez-vous là, il n'y en a plus? C'est bien, maintenant, vous autres, tirez un billet. Celui qui tirait un billet blanc était mis d'un côté, et celui qui tirait noir était mis de l'autre. Lorsque tout fut fini, il leur dit « Vous avez volé, vous avez mis le feu, vous avez fait feu sur votre officier. » « La loi vous condamne à la peine de mort. Vous allez subir votre peine. Je pouvais vous faire tous fusiller. J'en épargne la moitié. Que cela leur serve d'exemple. Commandant, faites charger les armes à votre bataillon. Mon adjoint va commander le feu. » On en fusilla 62. Dieu, quelle scène! Je partis de suite le cœur navré, mais les Juifs étaient contents. Voilà mon étrenne de lieutenant. Je désirais arriver à mon terme, mais le maréchal avait de l'avance sur moi. À Gluskoé, où je trouve la garde, je mets mes soldats au bivac, et je leur fais donner des vivres. Le lendemain, je pars pour Vistek, où 2 forts combats avaient eu lieu. Combien il me tardait d'être débarrassé de ce pesant fardeau. Enfin, j'arrive à Vistek, le cœur en joie, croyant être au bout. Pas du tout, le corps du maréchal était à 3 lieues en avant. Je vais prendre des ordres sur la route à suivre. Je ne trouve plus en revenant que le tambour qui m'attendait. Eh bien, où sont-ils? « Tous sauvés, disent mon tambour et mon soldat, On leur a dit que le troisième corps n'était qu'à une lieue. Je pars avec mon tambour et mon soldat. J'avais trois lieues à faire. J'arrive à 4 heures près du chef d'état-major du maréchal. Les aides de camp et les officiers, me voyant seul, avec un tambour et un soldat, se mirent à rire. « Ça ne vous sied guère, messieurs, de rire de moi. Tenez, général, voilà ma feuille de route. Vous verrez ma conduite depuis Vilna. » Lorsque ce chef d'état-major eut jeté un coup d'œil sur mon rapport, il me prit à l'écart. « Où sont-ils, vos soldats ?»« Ils m'ont abandonné à Vivtech avant d'entrer en ville. » Au moment où je partais au galop prendre des ordres sur la route que je devais suivre pour vous rejoindre. Ils sont partis dans la joie de rejoindre leur corps plus vite. Quant aux 62 fusillés, ce ne sont pas des Français. Mais vous avez souffert avec ces traînards. J'ai sué du sang, général. Je vais vous présenter au maréchal. Je le connais et il me connaît, lui. Il ne rira pas en me voyant comme vos officiers. Ils m'ont bien blessé. Allons, mon brave, ne pensons plus à cela. Venez avec moi, je vais tout concilier. Il arrive près de ses officiers. Vous allez mener ce brave à ma tente. Faites-le rafraîchir, je vais chez le maréchal, car il nous apporte du nouveau. Vous verrez cela tout à l'heure, je vous rejoins dans un instant. Il revient, et me prenant le bras devant ses officiers, qui étaient bien sots, « Venez, me dit-il, le maréchal veut vous voir. » Le maréchal, voyant mon uniforme, dit, « Vous êtes un de mes vieux grognards. »« Oui, mon général, c'est vous qui m'avez fait mettre des jeux de cartes dans mes bas, afin que je sois assez grand, pour être admis dans les grenadiers que vous commandiez à cette époque. »« C'est juste, je me le rappelle. » Vous aviez déjà un fusil d'honneur de la bataille de Montebello, et vous avez été décoré dans ce temps. Oui, général, le premier en 1804. C'est un de mes vieux grenadiers. Vous ne partirez que demain. Je vous donnerai mes dépêches. Où est votre corps? Adjoint au petit quartier général de l'empereur, sous les ordres du comte de Montyon. Ah, vous êtes bien. Demain à 10 heures, vous prendrez mes dépêches. Faites donner à ce vieux militaire la table de vos officiers et du fourrage à son cheval. Oui, maréchal. Et faites-lui remettre tous les reçus des hommes rentrants. Voyez dans tous les régiments s'ils sont rentrés. Vous m'en ferez le rapport ce soir à 8 heures. Et à 10 heures, demain, vous partirez pour Vistec. Vous y trouverez l'empereur. Je vous donnerai une lettre pour Montyon. En arrivant près des officiers, ce chef d'état-major leur dit « Cet officier est notre ancien à tous, recevez-le comme il le mérite. Il est bien connu du maréchal. Faites-le dîner, et après mon aide de camp le conduira au chef de corps. » Pour recevoir le reçu des hommes rentrés. Pour le coup, ils chantaient messe basse avec moi, et ils mirent de l'eau dans leur vin. Je fus bien reçu. Après avoir bien dîné, je fus conduit au camp où je trouvai mes soldats rentrés qui accouraient demander leur pardon à leurs échafourés à mon égard. Je n'ai point de plainte à faire de vos soldats, disais-je, c'est le zèle qui les a emportés. Arrivé près du colonel des Espagnols, qui était français, je lui demande mon reçu. Mais, me dit-il, il en manque la moitié. « Ils sont morts, colonel. Voyez le maréchal. »« Comment mort ? La moitié a été fusillée. »« Eh bien, je vais faire fusiller les autres. »« Ils ont leur pardon. Vous n'en avez pas le droit. »« Ils ont subi leur peine. C'est à l'empereur à décider. »« Combien de morts ? 62, dont 2 sergents et 3 caporaux. »« Donnez-moi des détails. »« Je ne le puis. Le maréchal attend. Mon reçu, s'il vous plaît. Je pars de suite. » L'aide de camp le prend à l'écart et après quelques mots, nous partons. Le lendemain, à 8 heures, j'étais près du maréchal. « Voilà vos dépêches, partez. » À midi, j'étais arrivé à Vipstek, près du comte de Montyon. Je lui remis mes dépêches et mes reçus. Il savait tout ce qui s'était passé et l'empereur en était instruit. Le maréchal avait mis 2 mots pour moi qui flattèrent mon général. « Vous ne ferez point de service, dit-il, que nous ne soyons arrivés aux environs de Smolensk. Vipstek est une grande ville. » Là, je trouvai mes anciens camarades et mes bons chefs. Nous restâmes pour attendre les munitions. Les chaleurs excessives jointes à des privations de tout genre occasionnèrent des dysenteries, qui amenèrent des pertes considérables dans l'armée. L'empereur quitta Vipstek dans la nuit du 12 août. Tous les corps composant l'armée directement sous ses ordres se trouvèrent ainsi réunis le 14 août sur la gauche de Dieppe, et se portent à marche forcée sur Smolensk, place forte à environ 32 lieues. L'investissement fut achevé le 17 août au matin. Napoléon ordonna d'attaquer sur toute la ligne vers 2 heures de l'après-midi. La bataille fut des plus sanglantes. Lorsqu'elle fut engagée, je fus appelé près de lui. « Tu vas partir de suite pour Vivstek avec cet ordre qui enjoint à tous, de telle arme qu'il soit, de te prêter ma forte pour desceller ton cheval. Au relais, tous les chevaux sont à ta disposition en cas de besoin, sauf les chevaux d'artillerie. Es-tu monté ? Oui, sire, j'ai 2 chevaux. Prends-les. Lorsque tu auras crevé l'un, tu prendras l'autre. Mais dans cette mission, toute la vitesse possible. Je t'attends demain. Il est 3 heures, pars. » Je monte à cheval. Le comte de Montyon me dit « S'apresse, mon vieux, prenez votre second cheval en main, et vous laisserez le premier sur la route. Mais ils sont scellés tous les deux. Laissez votre meilleur selle à mes domestiques. Ne perdez pas une minute. » Je pars comme la foudre, mon second cheval en main. Lorsque le premier fléchit sous moi, je mets pied à terre, d'un tour de main je décèle et recèle, laissant ma pauvre bête sur place. Je poursuis ma route. Arrivé dans un bois, je trouve des cantines qui rejoignaient leur corps. « Halte là, un cheval de suite, je vous laisse le mien tout habillé, je suis pressé. Dételez et décellez mon cheval. » »« Voilà 4 beaux chevaux polonais, » dit le cantinier. « Lequel voulez-vous » »« Celui-là. Habille, habille, ça presse, je n'ai pas une minute. » Ah, le bon cheval qu'il me porta loin. Je trouvais dans cette forêt une correspondance pour protéger la route. Arrivé vers le chef du poste. « Voyez mon ordre, vite, un cheval, gardez le mien. » Pas une heure de perte pour arriver à Vustec. Je donne mes dépêches au général commandant la place. Après avoir lu, il dit « Faites dîner cet officier. Faites-le mettre sur un matelas 1 heure. Préparez-lui un bon cheval et un chasseur pour l'escorter. Vous trouverez près des bois un régiment campé. Il pourra changer de cheval dans les bois, à la correspondance. » Au bout d'une heure, le général arrive. « Votre paquet est prêt. Partez, mon brave. Si vous n'avez pas de retard en route, vous ne mettrez pas 24 heures, y compris la perte de temps pour changer de chevaux. » Je pars bien monté et bien escorté. Dans la forêt, je trouve le régiment campé. Je présente mon ordre au colonel. Aussitôt lu, il dit « Donnez votre cheval, adjudant-major. C'est l'ordre de l'empereur. Décellez son cheval, ça presse. » Je comptais trouver les stations de cavalerie dans les bois. Mais pas du tout. Toutes s'étaient sauvées ou étaient prises. Je me trouve seul sans escorte. Je réfléchis. Je ralentis le pas. Je vois à une distance éloignée de moi, sur une éminence, de la cavalerie pied à terre. Je me range sur le côté pour ne pas être aperçu, car c'était bien des cosaques qui attendaient. Je longe au plus près du bois tout à coup. Il sort du bois un paysan qui me dit « Cosaque !» Je les avais bien vus. Sans hésiter, je mets pied à terre, et saisissant mon pistolet, j'aborde mon paysan, lui montrant de l'or d'une main, et mon pistolet de l'autre. Il comprit et me dit « Toc, toc !» ce qui veut dire « C'est bon !» Remettant mon or dans la poche de mon gilet, tenant mon cheval avec l'abri de passé au bras, pistolet armé dans la main gauche, je tiens de la droite mon russe, qui me conduit par un sentier. Après un long détour, il me ramène sur ma route en me disant « Nien, nien, cosaque !» Je reconnais alors mon chemin, en voyant des bouleaux. Tout en joie, je donnais 3 napoléons à mon paysan, et montais à cheval. Comme je serrais les flancs, la route disparaissait derrière moi. J'eus le bonheur d'atteindre une ferme avant que mon cheval ne fît faux bond. Je me jette dans la cour, je vois 3 jeunes médecins. Je mets pied à terre et cours à l'écurie. « Ce cheval de suite, je vous laisse le mien. Lisez cet ordre. »